Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans la boîte à gants, le cinquième épisode de cette nouvelle émission que vous pouvez écouter deux fois par mois sur Radio No Culture. Et cette semaine, on s'est réunis avec le crew, avec le gang, avec, vous les connaissez peut-être déjà, si vous nous suivez, avec d'un côté Sébastien, ça va ? Bien et toi ? Ben ça va super bien. Seb, tu es musicien, tu es aussi technicien son. Oui. Et aujourd'hui, tu es là pour le plaisir d'être là. C'est ça. On va passer à Bichente. Oui. Qui est avec le micro rouge. Ça va, Bichente ? Mais très bien, et toi ? Ça va fort bien, encore une fois. C'est sympa de demander à chaque fois si c'est j'ai pour bien. Ça j'ai rajouté « et vous » derrière. Ouais. Bichente, tu es simplement fan de musique, surtout de punk et surtout de Sex Pistols. Bon, arrête de me... Non, je suis fan de... Il y a la Poya aussi. Punk, la Poya, Idols, plein de choses que j'aime bien. Et je vais me tourner en dernier vers Oshka, ça va ? Ouais, ça va. Parce que l'émission d'aujourd'hui est un petit peu entre tes mains, puisque c'est toi qui as décidé de venir avec un sujet cool, mais pas trop ces derniers temps. Est-ce que tu nous en parles de quoi tu veux parler aujourd'hui ? Au fait, ça fait quelques jours que les derniers des quatre grands-parents du rock'n'roll classique est mort. Vous connaissez tous Jerry Lee Lewis. Et à mon avis, c'était important d'en parler. Et pourquoi ? D'ailleurs, il est connu, il est reconnu. Et il y a encore des groupes maintenant, autant dans les punks que dans n'importe quel autre style, qui continuent à s'ouvrir son chemin. Ouais. Cet côté sauvage. Jerry Lewis, du coup, qui est mort pour nous il y a quoi, une semaine et demie, quelque chose comme ça. Pour vous, auditeurs, il y a trois semaines, je pense. On sera diffusé, nous, dans deux semaines. Ah, ok, alors, ouais. Donc, pour les auditeurs, ça fera un peu plus que... C'est pour ça que j'ai dit, quelques jours comme ça, ça voilà, va tout dire. C'est vrai, c'est bien vu. Et puis, pour les complotistes, il ne sera pas encore mort. Je tiens à préciser. Voilà. Et il n'avait pas reçu son vaccin, donc voilà. Voilà, pendant que Sébastien nous fait une petite crise de tout, on est dans la boîte à gants. Je vous rappelle seulement que vous pouvez aussi nous écrire si jamais vous voulez parler de quelque chose à radionoculture@gmail.com et qu'on a un tout nouveau site internet sur lequel on répertorie les émissions de cette saison, donc la boîte à gants et Chronobio. Et donc vous pouvez retrouver ce site sur radionoculture.wordpress.com. Alors, vous avez fait un tour, je crois, sur le nouveau site ou pas du tout ? Je vous ai envoyé. Oui, moi j'ai été. Et alors, qu'est-ce que t'en penses ? Non, c'est bien. C'est mieux que ce que c'est. Ah, c'est mieux que ce qu'il y avait avant. C'est mieux que ce qu'il y avait avant. Donc, vous pouvez retrouver toutes les émissions de Radio No Culture, les émissions originales de Radio No Culture, sur radionoculture.wordpress.com. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de Jerry Lee Lewis. C'est parti. Alors moi, je dois bien avouer que je ne connais pas très bien Jerry Lee Lewis. En plus, je n'ai pas préparé grand-chose ce soir. Ça sera entre tes mains, Oshka. Jerry Lee Lewis. Donc, tu disais que c'était le dernier des quatre grands rockers, qui ont un petit peu, quelque part, inventé le rock, c'est ce que tu veux dire ? Exact, des pionniers, les gens qui sont pris des blues, des musiques classiques, plus calmes, un peu des country par-ci, par-là, ils sont mélangés, surtout ils ont amené cet côté sauvage des choses qui ont choqué à l'époque, le public. Ils ont révolutionné. On parle de quelle année, là ? Les années 50 ? Ah bah sur ça, je ne pourrais pas te dire exactement parce que je n'ai pas mes notes ici, mais oui, il y a un petit moment. Est-ce que tu voulais commencer par mettre une chanson peut-être Ouais, comme ça tout le monde repérait, parce que franchement, même si on connaît pas trop, c'est sa musique, elle nous parle encore, elle est encore là. Eh bien, on va écouter ça pour recontextualiser. Donc, c'est Great Balls of Fire par Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, get ready, it's just great balls of fire. I let that love fall, I thought it was funny. You came along and you blew me, honey. I changed my mind, but it's fine. Goodness gracious, great balls of fire. Balls of fire. sure you're fine. So kind. Jerry Lee Lewis avec Great Balls of Fire. Et on peut dire la première chose, c'est que c'est basiquement du blues en plus rapide, en plus énervé. Exact. Mais pas que ça, finalement. C'est facile à dire maintenant, mais même les Mickey's Mister, qu'on connaît tous, un grand rocker aussi. Chanteur de Motorhead. Il disait qu'avant tout ça, il n'y avait rien. En fait, il y avait la musique populaire, un peu les blues. Ouais, c'était sympa, on peut aimer. Mais ça, quand tu mets ce type de choses, on peut connaître plus ou moins les personnages. Mais on ressent l'énergie. On voit vraiment bien à cette époque-là, surtout quand, comme la musique, elle est en train de se transformer en quelque chose de plus sauvage, plus dangereux. Tu disais que c'était un des quatre grands. Exact, ouais. Qui sont les trois autres? Les premiers que j'ai pourrais nommer, on les connaît tous, Elvis. Voilà, on peut aimer plus ou moins. Je l'aime pas tellement que ça, mais ça reste un des premiers aussi qui a popularisé ce type de musique moderne. Voilà. Je connais assez peu, j'avoue, Elvis très peu et Jerry Lewis encore moins. Bah, si tu veux le découvrir, ils viennent de sortir un biopic sur lui, sur Elvis. Ah, sur Elvis, oui. Et qui est très très bien. Déjà, tu passes un bon moment, quoi, et puis tu apprends des choses. Alors, ils l'ont un peu édulcoré, enfin, c'est un film, quoi. Est-ce qu'ils l'ont vraiment édulcoré en mode Bohemian Rhapsody ou ça va? Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que, tu sais, il avait une... je sais plus comment il l'appelait là, son manager, j'ai oublié son le colonel je crois, ouais, voilà, celui qui était très malin, et il y a des polémiques par rapport au colonel, sa gestion ou quoi, et là ils l'ont amené d'une manière où tu l'apprécies, le colonel et tout ça, tu sais, ils font jouer sur l'empathie et tout ça, et du coup sur la relation avec Elvis et pourquoi Elvis il continue à le suivre et quoi, bon bref, ça pourrait être sujet à polémique, mais le film en tant que tel, après sur la carrière d'Evil, c'est son évolution, quoi, et vachement sympa, quoi. Le colonel, du coup, qui a fait un superbe coup marketing, parce qu'à cette époque-là, Elvis, sur Dan Chic, etc., il rendait fou l'Amérique puritaine, et le colonel qui avait fait sortir des épingles, là, qu'on met sur les vestes. Des pins, I hate Elvis, je déteste Elvis, et il a vendu des milliers. Donc, en fait, lui-même avait fait du pognon. Lui est un impresario d'Elvis sur la haine d'Elvis. Ah, mais c'était un petit génie, quand même. En fait, c'était un très bon marketeur. Et d'ailleurs, dans le film, il le montre. Il faut le voir parce que du coup, il te montre aussi sa logique et sa façon de le manager et de marketer l'image Elvis. Oui. Et je pense que ça doit être un des premiers qui a fait ça, sûrement. Parce qu'il s'est fait un pognon monstre sur le nom Elvis. Le film s'appelle Elvis, juste ? Je sais plus exactement le. Il est sorti cette année en 2022. Il est sorti cette année. Et je veux pas dire de conneries, mais il me semble que le manager d'Elvis, c'est à cause de lui que Elvis n'avait jamais pu faire de concert hors des États-Unis à part un. Je crois qu'il en a fait qu'un en dehors des États-Unis. Ouais, il explique dans le film, il a la trouille. Normalement, Elvis avait projeté de faire des concerts en Europe, en Asie et tout ça. Et le colonel a la trouille. De le perdre, en fait, qu'il y ait un accident ou quoi que ce soit, et voilà, de perdre sa pelouse d'or, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, il fait tout pour empêcher ces concerts-là. Et il lui trouve en contrepartie des plans, c'est comme ça qu'il trouve le plan où il reste des années à Las Vegas ça. Mais faut le voir, le film, parce que ça révèle plein de choses. Il n'y a pas que ça. C'est pas une seule des raisons pour lesquelles il a le plan à Las Vegas, il y a d'autres trucs. D'accord. Voilà, non, mais faut le voir, franchement. Elvis, du coup, je sais plus, il me semble que c'est juste Elvis le nom sorti, donc en 2022, tout ça. Elvis Presley. Vous allez vite trouver en tant que Wikipédia. Et on m'a dit que l'acteur jouait, que c'était qui était très très fort dans le rôle d'Elvis. Ouais, ouais, très très bon. Après, celui qui joue le rôle du colonel, c'est Tom Hanks. Ah oui. Ouais, voilà. Ah oui, bon, ouais, grimé, d'accord. Voilà, grimé, tout ça. Mais Tom Hanks, non, il y a un beau casting et ça. Enfin, le film est vraiment canon dans le sens que visuellement, l'histoire, tout, c'est vachement bien fait. Et la musique, évidemment, d'Elvis qui est là tout le long du film. Et ils l'ont fait chronologiquement. Et donc, du coup, avec la musique aussi qui apparaît chronologiquement. Enfin, voilà, il est bien foutu. Ouais. Donc, Jerry Lewis 1, Elvis 2. Qu'est-ce qu'on a pris? Ah, Chuck Berry, incontournable. Ah oui. Bien sûr, on connaît tous ces riffs-là, on connaît la chanson Johnny B. Goode, on connaît tout ce qu'il a donné après. Et je pense que, beaucoup de générations ont connu évidemment dans Retour vers le futur. Ouais, exact. C'est une scène monstrueuse, ouais. Qui rend trop bien. Énorme. Vous chantez Retour vers le futur? Non, moi, je connais, j'adore Chuck Berry, je pense que c'est mon préféré des. Tu l'as pas connu par Retour vers le futur? Non, jamais vu Retour vers le futur. C'est vrai? Non, je l'ai vu une fois. C'est super. Mais je suis pas très très fan, moi, de tout. Donc, pas... Ben c'est un super film dans lequel Marty McFly, qui vient de 84, remonte en 54, il me semble, ouais. Et il joue du Chuck Berry avant que Chuck Berry ait composé lui-même quelque chose. Évidemment, tout le monde hallucine. Et le mec le joue vraiment. Je crois que c'est vraiment lui qui joue le solo, etc. Et non, cette scène est vraiment vraiment cool, ouais. Oui. Après, j'ai le droit de pas trop retrouver le futur. Hein. Regarde-le avant de dire ça. Mais je l'ai vu, non. Ah mais bon. Alors, je sais pas si j'ai vu le 1 ou le 2. Mais j'en ai vu un et je me suis dit, bon, pourquoi est-ce qu'on le fait en fait La série animée, peut-être, t'as vu. Non, mais je l'ai vu il y a pas longtemps en plus. Je l'ai vu il y a 3 semaines. Parce que ah oui. Il y a peut-être pas 3 semaines, mais ouais, au moins où il passait sur TNT là. Mais les filles de. Avaient vu un des films et il y en avait l'heure qui passait. Tu sais qu'on a la radio que personne ne sait qui est. Oui, c'est ma copine. Nous ne sommes pas qu'entre nous, Vicente. Non, désolé. Oui. Non, donc du coup, j'ai regardé avec les enfants à la maison parce qu'elles voulaient le voir. Et oui, bon, je me suis dit, oui, c'était plaisant, mais c'était pas non plus. Voilà. C'est un gros classique. Oui. Putain, c'est un film générationnel, quoi. Il y a tout, la DeLorean, Voyage dans le futur, dans le passé, du coup. Enfin, la musique, justement, et tout. Ah, ça a marqué les générations. Oui, c'est un bon film. Enfin, c'est une belle trilogie. Ouais. Donc, Chuck Berry, Elvis, Jerry Lee Lewis, et pour finir. Un de mes préférés, Little Richard. Ah, oui, bien sûr. Voilà. Qui est le papa du rock, peut-être. Mais tous, les si quatre. Tu veux, mais après, c'est on peut aimer. J'avais vraiment dans la tête Little Richard comme étant le papa du rock. On peut aimer plus un ou l'autre, mais on a tous. Étaient des pionniers sur ces types de musique, sur ces types d'amener la musique sur un autre niveau, tu vois, moins familial, peut-être plus dangereux par rapport à tout, par rapport à la scène, par rapport à la provocation, parler du sexe aussi, ou sous-entendu comme ça. Et un de mes préférés, justement, c'est Little Richard, parce que voilà, c'est le mec qui a tout haussé. Et pourquoi ces quatre-là en particulier, il n'y a pas que eux qui ont fait ça? Bien sûr, il n'y en a pas que, c'était pas les premiers, mais c'est les quatre qui ont resté vraiment dans l'histoire. Dans l'imaginaire collectif, quoi. Exactement, aussi parce que c'était les plus, qui ont influencé le plus les publics et qui ont véhiculé plus ce message-là par rapport à sa passion. On a écouté déjà une chanson de Jerry Lewis, mais tous les quatre, on entend bien sa façon de communiquer avec ses chansons. De crier, même sur les scènes, de faire des folies qu'avant on faisait pas. Oui, il y avait ce côté un peu chaud, un peu on se lâche. Exact. Aujourd'hui on est habitué, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était une révolution. Le fameux déhanché d'Elvis, quoi. Dans le film, tu le vois, c'est. Qui a fait criser tout le monde. C'est fou, quoi. Et ils mettent l'accent dessus, à un moment donné, dans le film. Et c'est vrai que il en fait une marque de fabrique après, voilà, et il l'utilise, et ça marche à chaque fois, quoi. C'est impressionnant. Et c'était une époque. Plutôt sage, tranquille, puritaine, presque, quoi. Et là, d'un coup, il met le feu aux poudres, quoi. Et d'ailleurs, ça lui crée des problèmes. Hein. Ouais. S'il est envoyé, c'est une des raisons pour lesquelles il s'engage dans l'armée, il se barre quelque temps, histoire de se faire oublier. Oui, quoi. Parce qu'il doit faire son service militaire. Ouais. Mais il le fait parce que, pour calmer le jeu, parce que politiquement, ça commençait à créer des problèmes, quoi. Il me semble qu'il y a un film aussi, Elvis et Nixon. Dans lequel c'est une espèce de face-à-face entre Elvis et Richard Nixon, que je n'ai pas vu, mais de ce qu'on m'a dit, c'est que c'est extrêmement intéressant de voir un mec qui sort de la campagne, qui devient une star dans tout le pays, et Nixon, le mec le plus président du monde, quasiment à ce moment-là, et avoir une conversation complètement lunaire entre eux. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, c'est très très bien, donc peut-être un autre film à conseiller, que je vais voir aussi. D'ailleurs, du coup, ça fait deux films pour moi aussi à voir. Et voilà, où est-ce qu'on en est après ça, Oshka? Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit Elvis aussi pour mettre... Exact, moi je propose d'écouter sur chaque personnage qu'on a ouais. dit, une petite chanson, comme ça les publics ils peuvent tout de suite repérer, parce que c'est des choses qui sont transcendues leur époque, sa mm-hmm. époque, et on l'écoute encore maintenant, comme on l'a dit. Donc c'est Jailhouse Rock. Elvis. Par Elvis. Jailhouse Rock, donc c'est le rock de la prison, si je ne dis pas c'est de ça, bêtises. Ouais. Jailhouse, c'est la prison, c'est le bâtiment. Donc de Elvis Presley, qui était donc le second des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Si on peut les appeler comme ça. Bien dit. C'est les premiers, parce que dans l'histoire, voilà, Elvis, qui ne les connaît pas, en fait. C'est vrai qu'Elvis, il a quand même... Enfin, c'est le grand-père de tout le monde aujourd'hui dans le rock, quoi. On peut l'aimer. Tout le monde le voit comme ça. Plus ou moins, mais comme il a dit, c'est presque une marque, tu vois. C'est ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il est plus connu que les autres. Je veux dire, les autres sont connus chez les musiciens, chez les amateurs de rock, mais Elvis, il est connu par absolument tout le monde. Je veux dire, même les Français, la France qui n'est pas un grand territoire de rock, de punk, de metal, etc. Tout le monde connaît Elvis, tout le monde ne connaît pas les autres. Moi, par exemple, et moi, je suis bon exemple, je connais les autres de nom, mais je connais pas tant que ça. Ben, il avait un colonel, lui, et qui l'a vite placé derrière des caméras, produit des diffusions de télé et tout ça, qui a su vraiment en faire un produit, le mettre toujours en avant, toujours présent. Mais du coup, c'est ça aussi peut-être le problème de lui, c'est que c'est devenu un produit alors que les autres sont restés des musiciens. Et il restait quand même un musicien, mais c'est vrai que c'est une des polémiques par rapport au colonel, justement, c'est qu'il en a tellement poussé un produit qu'au bout d'un moment, Elvis n'était plus Elvis. Enfin, comment dire, c'était plus Elvis Presley, c'était l'être humain, quoi. C'était devenu Elvis le personnage et qui devait produire et qui et finalement qui devenait petit à petit une coquille vide parce que il était juste qu'un produit marketing, quoi. J'étais. Non, mais tu disais tu dis que tu connais Elvis mieux que les autres, ouais. Mais je pense que le nom, tout le monde le connaît, mais ouais. Je pense que les chansons sont plus connues celles des autres que celles d'Elvis. Moi, j'en connais beaucoup plus des autres que d'Elvis, par exemple. Par contre, le nom, ça parle à tout le monde, je suis d'accord, mais par contre, si tu fais écouter des chansons des autres, les gens connaîtront plus les autres sans savoir que c'est eux. Bah alors, je vais te parler pour moi. Quand j'ai vu le film Elvis, en fait, du coup, comme j'ai dit, il mettait en avant ces morceaux chronologiquement, parce qu'ils ont fait le film chronologiquement. Et quand j'entendais les morceaux, je suis ah putain, c'est lui. Enfin, il y a plein de morceaux qui arrivent. Ah ouais, c'est Elvis, ça. Et en fait, c'est des trucs que j'avais déjà entendus, mais je savais pas forcément que c'était Elvis, quoi. Et je suis alors que normalement, Elvis, rien que la voix, tu la reconnais. Ouais. C'est flagrant. Mais il y avait des morceaux, je savais même pas que c'est lui, en fait. Mais après, il a tellement été copié. Aussi, ouais. Même sa voix. Ouais. En France, Johnny. Ouais. L'autre, j'ai oublié. Johnny qui? De qui tu veux parler? De celui qui faisait les. Il y a Johnny et il y a l'autre avec sa voix qui ressemble, qui est très, du coup, très Elvis, qui chantait le pas de blues avant de se coucher ce soir. Ah, lui? Oui, moi je pensais à lui. Ah non, moi je pensais pas à lui. Tu penses à Dick Rivers peut-être? À Dick Rivers, moi je pensais à Dick Rivers. Non, moi je pense à l'autre, celui qui est vivant là. Ouais. Il est vivant. Celui qui est vivant. Dick Rivers, s'il est vivant, je sais pas. Non, celui qui chantait pas de. Oui, sur la route de Memphis, là, ouais. Comment il chantait ça? Oui, mais. J'oublie tout le temps à chaque fois. Celui qui faisait la dernière séance et tout ça, là. Bon, voilà. Les auditeurs ont retrouvé, du coup, plus vite que nous. Voilà. Mais oui, c'était carrément inspiré de lui. Ouais, il a été très copié ici en France, mais aux États-Unis, évidemment aussi, par beaucoup d'autres qui, eux aussi, ont percé. Et du coup, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, c'est difficile de savoir qui. Sur des chansons qu'on connaît pas forcément, est-ce que c'est vraiment Elvis ou pas. Mais sans le copie, il a été tellement repris aussi. Mmh. C'est vrai. Qu'au bout d'un moment, tu sais plus de qui est le morceau, quoi. Donc Elvis, il a une sacrée discographie aussi, quand même. Et bon, il est loin des Beatles, ça, mais tout ce qu'ils ont sorti, certes. Mais il a une sacrée discographie, il a pas mal de morceaux. Et t'en as entendu plein sans forcément savoir que c'était lui, quoi. Après, j'ai une question, moi. Est-ce que. J'ai l'impression dans ma tête que Elvis c'était un interprète et pas un compositeur, alors que les trois autres, oui. Les deux. Il a commencé à faire des reprises des vieilles chansons, mais à son style. C'est ça qu'il a. Elvis ouais. Exactement. Qu'il a fait ressortir. Mm-hmm. Et ça, il s'est fait remarquer à cause de ça, des vieux morceaux blues, même country, même. Rockabilly, et il est accéléré. C'est quand même lui qui a composé derrière ces grandes chansons. Bien sûr, il a fait des grandes chansons qu'on connaît. Qu'on connaît tous, quoi, ou les gens qui aiment, au moins. Mais voilà, il a commencé comme ça. Il avait déjà quelque chose, forcément, même si on ne peut pas aimer, mais il avait quelque chose. Il était beau gosse pour l'époque. Ouais. C'est déhanché là, et avec les colonels derrière, du coup, ça fait tilt de suite. En plus, n'oublions pas que c'était un jeune blanc, et voilà, des autres qui étaient plus, comment dire. Noir, typé. On peut dire. Ouais, exact. Tu étais noir. Voilà, ouais. Ça passait moins, tu vois. C'était noir aux États-Unis en 1950, forcément. Justement. En parlant justement des autres, on va peut-être se passer à Chuck Berry. Chuck Berry qu'on peut écouter, que du coup, moi, j'ai connu comme beaucoup de notre génération dans Retour vers le futur, sauf Bichente. Qui a connu autrement, comment tu as connu Chuck Berry, tu te souviens pas? Pouah, je sais pas. Jeune, avec tes parents comme ça peut-être? Non, avec les copains sûrement, enfin je sais pas. J'écoutais, je suis assez curieux donc des fois c'est... non c'est vrai, des fois le soir je traîne de page Wikipédia en Wikipédia. Mais là par exemple j'ai mon oncle qui m'a offert un magazine aussi, l'histoire du rock. D'accord. Donc il partait du blues jusqu'au rock de maintenant, je crois que ça s'est arrêté avec Arctic Monkeys, okay. Je crois le dernier du truc. Mais donc du coup c'est comme ça, tu découvres petit à petit, tu te dis oh tiens je vais écouter, et puis en fait tu trouves toujours des connexions entre groupes. Donc c'est je ça. Pense que c'est comme ça, je me souviens pas comment j'ai connu mais... En tout cas on est d'accord pour dire que c'est quand même celle-là la plus connue, Johnny B. Goode. Oui. Oh oui. Avec son solo légendaire. Ouais, exact, qu'on continue à reproduire. Hein. Oui, plus oui. Et bien on va écouter ce solo légendaire justement tout de suite et puis on continue après. So Johnny B. Goode par Chuck Berry, bien évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'on a de plus à dire sur ce groupe? Voilà, en vrai, je ne connais pas très bien par cette chanson. Je ne connais vraiment pas très bien Chuck Berry. Chuck Berry. Ben, moi, déjà, en réécoutant le morceau, ça m'a rappelé une chose, c'est que c'était les tout débuts de l'électrisation des instruments, dont la guitare surtout. Et c'est ça aussi qui a amené le rock, le rock and roll, quoi. C'est qu'ils ont électrisé les guitares. Et donc ça a amené ce côté plus, je sais pas, plus péchu, plus déjà. Péchu, plus mais sauvage. À la base, l'idée c'était seulement de pouvoir on va dire, amplifier une guitare, la guitare électrique. Mais l'idée, ouais, l'amplifier dans le sens de la sonoriser, de pouvoir la capter, voilà. Mais là, en fait, c'est plus forte. Ça a commencé, ça a amené une nouvelle sonorité, voilà, aussi. Sauf qu'il s'est rendu compte qu'en bidouillant un peu, ça donne une sonorité différente de. Ça a amené une nouvelle sonorité. Donc, qui dit nouvelle sonorité dit nouveau mouvement, on va dire ça comme ça, quoi. Et parce que j'ai regardé là, pendant, j'ai profité de la pause un peu, la première sonorisation de guitare, c'est aux alentours de 1935, tu vois. Ouais. Là, on est dans les années plutôt 50, et là, c'est là où ils ont commencé vraiment à avoir plus de matériel, c'est-à-dire des guitares électriques, des premiers amplis et tout ça. Ouais, et puis ils ont pu péter 2-3 amplis, les rafistoler comme ils pouvaient. Voilà, et c'est ça. Des sons un peu bizarres. Voilà, et puis. C'est pas mal. Ça grésille. En fait, c'est pas mal. Voilà, et amener aussi des. Comme c'est différentes personnes qui jouent à la guitare, amener des différents jeux qui font sonner différemment ces guitares électriques, parce qu'il n'y avait pas 36 modèles à l'époque, quoi. Et c'est ça qui a amené aussi le rock, quoi, parce que c'est ça dont on parle aussi, c'est les papas du rock, quoi. Mais alors, si je me trompe pas, ce qui est différent avec Jerry Lewis des autres, c'est que lui était pianiste, il était pas guitariste, alors que les trois autres étaient guitaristes, et c'est ça qui le différencie un peu des autres. Little Richard, il était aussi pianiste. Ah, okay. Exactement. Donc, il y a des pianistes, un chanteur, donc Elvis, et guitariste Chuck Berry, qui c'est un de nos préférés aussi, parce que dans ce qui aimons les rock and roll sauvages, voire les punk après, c'est lui qui a posé la base. Là, c'est qu'on vient d'écouter Johnny B. Goode, c'est les mêmes morceaux qu'on peut écouter 1000 fois sur 10 000 groupes différents. Les trois notes, les tempos accélérés, ces riffs des légendes, et voilà, c'est intemporel, voilà, ouais. C'est quelque chose qui va rester dans l'histoire. Mais pour le coup, encore une fois, ça reste un blues rapide, comme la chanson de Jerry Lee Lewis tout à l'heure. Ouais. Sauf que, comme tu disais, il y en a un qui est sur la gratte, l'autre sur le piano. C'est peut-être ça qui fait la différence style. La différence, déjà, c'est l'agressivité. Ouais. Voilà. Peut-être pour aujourd'hui, avec les groupes métal, punk, moderne, comme tu veux, ça restait déjà la musique des papas ou même des papis, tu vois. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'exceptionnel. Les gens n'y comprenaient pas. Pourquoi ? Déjà, la démarche et... Là, on écoute que la musique, mais il faut savoir aussi que sur les scènes, tous les quatre, ils amenaient quelque chose de différent. Ça bougeait, ça prenait du feu au piano. Les Chuck Berry, justement, ils faisaient des pas du canard. Ouais. Qui a été repris après par ACDC. ACDC, en Gougeon, exactement. Qui a été repris par ACDC. Mais ça vient de Chuck Berry à la base. Exactement. Puis c'était une époque aussi, c'était l'après-Seconde Guerre mondiale. Il y avait une jeunesse qui se retrouvait sans trop de travail et tout ça. À l'époque, c'était compliqué. Il y avait de l'énergie, il y avait besoin d'évacuer quelque chose. Et, déçu par la défaite aussi, sûrement. Et voilà, donc il y avait ce truc-là. Ça n'engage que toi, je tiens à le dire, ça n'engage que toi. Je rigole. Et oui, il y avait ce besoin d'évacuer l'énergie ou quoi, et de transmettre un message, quoi. Et le rock'n'roll est arrivé avec ça, cette énergie, ce côté, comme tu disais, plutôt brut et sauvage et tout ça. Et c'est ce qui est retranscrit qu'on entend avec les morceaux qu'on a écoutés jusqu'à présent, quoi. On peut faire exactement le même parallèle avec le punk, puis le rap. Ouais, mais à chaque fois, ouais. C'est de la musique populaire, voilà, mais révolution en elle-même. T'as toujours un mouvement social derrière, c'est incroyable. Chuck Berry, Oshka, tu voulais parler de quelque chose ? Chuck Berry, je voudrais continuer parce que, des petites anecdotes. Ouais. La légende dit que, en fait, quand on a commencé à écouter Chuck Berry à la radio, qu'il a percé, c'était parce que, apparemment, par rapport à sa voix, on croyait qu'il était blanc. Du coup, voilà, on parlait tout à fait des différences raciales dans l'Amérique profonde. Mais lui, quand on croyait qu'il était blanc, il a vendu des trucs et quand on les voyait en scène, les gens. Parfois, certains types de gens, ils s'aimaient moins. Ah. Ça n'empêche que lui, il a pu faire sa carrière et voilà, avec une grande personnalité comme le reste des quatre. On rappelle qu'on connaît aussi... Donc quand je dis qu'il était déçu par la défaite, je suis pas très loin quand même. On rappelle qu'on connaît plein de ségrégations et je me souviens d'une scène du film Ray sur Richard, dans laquelle il va dans un état du sud où lui va jouer, mais où les noirs sont interdits dans sa salle. Ouais. Donc lui, noir, il pouvait jouer parce que c'était une star, mais les noirs étaient interdits de rentrer dans sa salle. Donc on est quand même dans cette époque-là. Et rien que le fait que Little Richard, que Chuck Berry ou Ray Charles soient des stars, c'est déjà assez exceptionnel. Exact. Oui, à l'époque, voilà, ça change un peu la donnée. Quoi. Ça révolutionne aussi dans les thèmes sociaux, comme quoi quelqu'un noir peut percer dans la musique. Même si au début, il a eu la chance, disons, qu'on croyait qu'il était blanc. Comme quoi le racisme n'est pas si simple que ça, surtout, c'est peut-être aussi le petit message qu'on se rappelait, c'est que c'est pas si simple que ça, le racisme. Non, et justement, dans le film de Elvis Presley, il le montre, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est avec Little Richard qu'il est assez ami, il va le voir, il se voit souvent, et justement, Little Richard lui confère des comment ça s'appelle, un peu de sagesse, il lui donne des bons conseils et tout ça, quoi. Alors qu'Elvis, c'est une star, quoi. Ouais. Et même si Little Richard est connu, lui, c'est largement plus connu, il a un statut de star beaucoup plus important que Little Richard. Et Elvis va le voir quand même pour chercher conseil auprès de lui et retrouver aussi ses racines du rock qu'il a trouvé, de la musique qu'il a trouvé auprès, des Noirs. Exact. N'oublions pas que ce type de musique, ça vient de la musique noire, si on peut dire comme ça. Ouais. Et du blues, les esclaves. Du blues, d'avant ça, du gospel, et d'avant ça, des chants africains. Et du coup, je pense que le seul avantage d'un pays ultra-libéral comme les États-Unis, ultra-libéral et raciste à l'époque, c'est-à-dire que quand il y a un blanc qui sent qu'il peut se faire un petit billet avec un noir qui chante, il va le produire. Donc c'est peut-être le seul avantage qui est d'un pays comme les États-Unis, c'est-à-dire que il y a quelqu'un à un moment qui s'est dit ah ben attends en fait c'est raciste mais bon il fait rien ça plaît bien donc si je peux me faire un petit billet sur sa gueule je pense que c'est comme ça il devient un classisme ou... ben non mais c'est triste à dire mais je pense que c'est monétaire si tu veux mais ouais carrément ça, on les voit souvent maintenant On va enchaîner sur le quatrième. Petite anecdote sur Chuck Berry. Ouais. Il avait tellement marre de se faire arnaquer dans les concerts qu'apparemment, chaque fois qu'il arrivait sur. Par les organisateurs, tu veux dire Par les organisateurs, d'accord. Par tout le monde. Sauf Elvis qui était bien entouré depuis le début. Les restes, ils ont dû chercher sa vie, faire des concerts minables dans des villages minables, etc. Et même si c'était des stars déjà à l'époque, parfois ça se passait pas très bien. Et du coup, à un moment donné, lui, qui avait un gros caractère, il arrivait sur n'importe quel concert, il s'enfermait sur sa loge et il ne sortait pas si on ne lui filait pas les billets sous la porte. En plus, il demandait une petite somme en plus et sinon, il ne sortait pas. Tu vois. Ah, bien vu. C'est malin. Mais c'est dans Woodstock 99 aussi. On va parler un jour de ça. On sait que. Incroyable, cet documentaire. C'est lequel, là, le premier qui. C'est James Brown. James Brown qui refuse de monter sur scène parce qu'il n'est pas payé. Il n'est pas encore payé. Ouais. Ouais, donc comme ils se sont donné les consignes aussi. En même temps, je pense qu'ils ont. Oui, quand tu te fais arnaquer une fois, deux fois, trois fois. On va en parler, je pense, de ce documentaire un jour, mais il faut le voir. Il est sur Netflix, je crois, c'est en trois parties, Woodstock 99, qui est donc l'histoire du festival, qui est un fiasco, vraiment, c'est pas le mot. Fiasco, c'est tranquille à côté de ce qui s'est passé. Une catastrophe, au moins. Chers auditeurs, allez voir ce documentaire, c'est incroyable. Si vous aimez un peu l'histoire de festival comme ça et de où jusqu'où ça peut aller, c'est quand même assez incroyable. Puis après c'est carrément l'américaine. Ah oui. Le documentaire est vraiment sensationnaliste, mais sans ça, c'est quand même assez hallucinant. Bref, on va nous repartir sur Little Richard. Seb, quelque chose à rajouter ? Ouais, je vais me rappeler d'un truc. Oui. Étant un grand fan de Led Zeppelin, j'ai lu une biographie de leur manager, Peter Grant, si je dis pas de bêtises. Et il a été roadiste de Elvis Presley quand il a joué en Angleterre, parce qu'il est quand même sorti. Et apparemment, c'est là qu'il a appris pas mal de choses auprès du colonel. Et parce que quand tu vois la gestion qu'il a eue de Led Zeppelin, tu comprends mieux certaines choses. Voilà. Là, je vous laisse à l'après faire vos recherches et faire vos lectures et tout ça pour aller voir. Si vous tombez d'ailleurs sur sa biographie à Peter Grant, elle est franchement fameuse. Avec plein de petites pépites sur les apps et tout. Tu sais teaser quand même, Ah ouais, grave. Avant de passer à la dernière partie de cette émission, consacrée à Little Richard et puis ensuite au rock en général, on va écouter Little Richard avec une chanson qui s'appelle Tutti Frutti. Wah, bam, bloom, bam, bam, bam, bam, tutti frutti. Oh, Rudy.

Tutti Frutti par Little Richard. Attends, je t'allume ton micro, tu peux parler. Ça marche. Ben, non, j'adore. Voilà, c'est pour moi, c'est le que j'ai préféré de tous les quatre qu'on a parlé. Il était les plus sauvages de tous, dans tous les sens. Déjà, il était noir, homo et rock'n'roller dans une époque où tout ça, ça te portait à préjudice. Ouais. Il était petit, mais il était décomplexé. Et j'adore sa démarche, j'adore son énergie. Et même Tutti Frutti. En fait, au début, voilà, on la connaît tous, avec les versions de la version qu'on a écoutée, mais à l'époque et à la base, c'était une chanson qui parlait de la sodomie, en fait. D'accord. Ah oui, carrément. Il, exactement. Il a dû changer les paroles parce qu'on l'a dit que ça allait jamais marcher comme ça. Et c'est apparemment un morceau qu'il improvisait à la fin de ses concerts dans n'importe quel pub. Et voilà, ça parlait de comment c'est marrant de. De où il est ça pour que ça glisse mieux, quoi. Un sacré Little Richard que j'adore. Ouais. Bichente, tu disais que pour toi, cette chanson-là était plus connue que les autres, enfin, ouais. Que celle des autres de Elvis, etc. Mais moi, oui, personnellement, je trouve que celle-là, tu fais écouter à n'importe qui, il te dit « Ah ouais, mais j'ai déjà entendu cette chanson. » Et je suis pas sûr qu'avec Elvis, ça marche autant. Je me trompais peut-être, mais c'est peut-être que moi. Fais un test, tu vois. Moi, j'ai bien l'impression que Elvis est plus connu et je vais jeter un énorme pavé dans la mare. C'est parce que j'ai l'impression, attention, vous allez détester ce que je vais dire, que ce genre de chanson qu'on vient d'écouter, Tutti Frutti, ben, ressemble un peu à toutes les autres chansons qu'on pourrait écouter de cette époque-là, du rock, à savoir que c'est du blues en plus rapide. C'est les mêmes grilles d'accords à chaque fois, c'est les mêmes rythmiques, etc. Alors que Elvis a cette tendance à être plus pop, à faire des balades, il va faire des choses différentes. Et du coup, il va peut-être mieux marcher grâce à ça. Il a beaucoup de morceaux avec la même énergie. Hein. Absolument. Voilà. Absolument, mais il y a quand même des chansons très connues d'Elvis qui sont évidemment issues du blues, mais qui ne sont pas de simples blues plus rapides. C'est du blues en plus rapide. Pourtant, Elvis, on l'entend beaucoup parce que même encore aujourd'hui, ses musiques sont vachement utilisées, encore une fois, marketing jusqu'au bout. Elvis, dans les pubs, ceci, cela, tu l'entends. Et ça revient souvent, alors que Tutti Frutti aussi, mais beaucoup moins. Ah ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Tutti Frutti, tu prends combien de fois j'ai entendu juste sur le documentaire des Beatles, par exemple, qui dure je ne sais pas combien d'heures de Peter Jackson, en impro, souvent ils partent sur du blues, ça ressemble à ça. Ouais. Mais ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Et en fait, quelqu'un qui n'y connaît rien, tu leur mets cette chanson-là ou un autre blues un peu rock. Ben, il verra pas la différence. Non, mais le rock'n'roll, le blues, ça n'a rien à voir. Le blues, c'est facile, tu te mets dans un champ, tu cries. pour ceux qui ont la référence. Mais tu me donnes une transition parfaite. Peut-être plus parler aux musiciens. Bichente, t'auras peut-être un avis aussi, mais je voudrais avoir un truc un peu plus technique. C'est quoi la différence entre un blues et un rock à cette époque-là? Pour moi, les tempos. Les tempos, ouais, l'énergie. Simplement le tempo. Mais le rock, c'est deux fois plus rapide que le blues. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Alors, c'est un temps de rock, un temps de blues, t'en mets deux de rock. Mm-hmm. Moi, pour moi, c'est le tempo et le message. Parce que le blues, c'était plus lent, et c'était à la base, faut le rappeler, ça a été inventé par les esclaves noirs, ouais, dans les champs de coton. Et le but du blues, c'était d'exprimer leur souffrance et leur peine, ouais, dû à leur situation, quoi. Ouais. Le rock est arrivé, c'était pour exprimer autre chose. C'était, comme je disais, l'après-guerre ou quoi, exprimer une espèce d'énergie, un besoin de que les choses changent, que ça bouge, mm-hmm, et tout ça. Donc, c'est pas du tout le même message et du coup, ben, la même énergie non plus, quoi. Mm-hmm. Voilà. Seb, il a tout dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Il y a un cri mélancolique dans les blues et l'autre, c'est un coup de pied par terre. C'est comme un cri de rage, quoi. Oui, exactement. Voilà. Et c'est l'énergie qui fait toute la différence. Autant dans les paroles que dans la musique. Et, ouais, et pour le coup, c'est quand même cette énergie qui est restée dans le rock, puis le punk, puis le métal. Ouais. Derrière, le métal s'est un peu dilué dans plein d'autres choses différentes. Exact. Mais le punk qui arrive derrière, c'est exactement ça, Bichente. Ben, pour moi, la différence entre le rock et le punk, c'est que le rock, c'est vraiment fait par des musiciens. Et mm-hmm, le punk, c'est des gens qui se sont mis à la musique juste pour faire du punk. C'est-à-dire que le rock, c'est des gens qui connaissaient déjà la musique avant, qui ont fait le rock, je pense. Et puis même le message, je pense que le message du rock est plus positif, alors que le message du punk est plus défaitiste. Oshka, hoche de la tête, n'est pas forcément d'accord avec oui, ça. Oui et non, il y a des tout. En fait, exactement, y a, comme il a dit Vince, il a tout à fait raison aussi, mais au-delà de ça, les punks, voilà, c'est un retour justement au primitif, à ces cris de rage minimalistes, mm-hmm, parce, ouais, qu'à l'époque, n'oublions pas que les rock, il avait vachement évolué, et on dirait qu'il n'y a que les stars, les gens vraiment des conservateurs qui pouvaient jouer. Et du coup, la classe populaire, les ouvriers, les punks, ils se sont réappropriés tout ça. Ils, mm-hmm, je ne vais pas dire en écoutant Little Richard ou Chuck Berry, mais ils se sont dit, ouais, bah, ces trois accords, on peut les faire. On écoute les Ramones, on écoute les Tudors, on écoute pas mal de groupes. Et voilà, c'est ça. On retrouve ces rock'n'roll primitifs qui reviennent, bien sûr, avec les différences que leur époque a eu. Amen, mais c'est la même les cris des rages, comme on a parlé tout à l'heure. Après, sachant que entre le rock, donc années 50, et le punk 77, il y a le metal qui est passé par là en 70 avec Black Sabbath et qui a amené cette chose pas du metal. Si, c'est du métal. Le premier Black Sabbath, on considère non, le premier Black Sabbath est le début du métal. C'est pas du métal. Laisse-moi finir. Mais ils ont amené ce truc-là que le noir, le satanique, est devenu plus, je vais pas dire grand public, mais plus normalisé, on va dire, plus, et donc la tristesse accessible. Avec, plus accessible, et donc le punk aussi, c'est d'être aussi dit, dans un moment où effectivement le rock'n'roll dans les années 50 doit être joyeux ou est joyeux par essence, entre-temps il y a eu beaucoup de choses, et on a aussi commencé à faire du rock un peu plus triste et plus vraiment rageur que activiste. Après, il y a eu plein de groupes qui ont fait le lien, moi je pense notamment au MC5, qui ont vraiment fait le lien, je pense, entre ce rock-là et le punk qui arrive derrière, avec les New York Dolls, qui ont des sonorités qui peuvent vraiment ressembler sur l'album, avec un peu de piano derrière, avec pas mal de blues, un peu de country, un peu de toutes ces sonorités, tout en amenant le punk petit à petit. Et au final, les groupes punk, ils sont vachement inspirés des New York Dolls. Mm-hmm. Et je pense que les New York Dolls sont là parce qu'il y avait les MC5 et que, enfin voilà, il y a tout ça, c'est une continuité, c'est pas arrivé, on n'est pas passé du rock des années 50 au punk. Bien sûr. En un groupe, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, c'est les grandes familles, mais voilà, les New York Dolls, on considère que c'est pas du punk, mais c'est eux qui ont amené tout ça, donc on ne passe jamais du coq-à-l'âne en musique, on évolue petit à petit, c'est pareil pour le rap, le rap des années 90, si quelqu'un qui écoute du rap des années 90 et du rap des années 2020, il se dit, ouais, comment on en est arrivé là? Mais en fait, c'est toute une évolution petit à petit qui fait évoluer les choses. C'est pareil, tu prends le rock, même le rock jusqu'à les années 80-90, voire même le hard rock, le heavy, j'en mettrai pas mes deux mains à couper, mais presque. Tu le ralentis et t'écoutes les accords. et tu vas retrouver la base de la gamme de blues à chaque fois. Parce qu'il y a une gamme de blues, c'est une gamme d'accords, voilà, les enchaînements d'accords du blues qui viennent de là, parce que tout vient de là, quoi. Et tu vas les retrouver, quoi. Alors, c'est joué différemment, avec une énergie différente ou quoi, mais en fait, la base est là. Il y a un mec qui s'amuse à faire ça sur YouTube, bon, je n'ai plus retrouvé le nom, mais je ne sais plus comment il a fait exactement. Il avait pris une chanson de soft rock des Beach Boys. Ouais. Et il a transformé en black metal, mais en vraiment en changeant la batterie et c'est tout, je crois, et en saturant la guitare. Et juste, voilà, avec deux petites conneries, il passait du soft rock des années 60 au black metal des années 90. Ouais, c'est ça. Comme quoi tout, en fait, peut se retrouver assez facilement. Mmh, ouais. Une chose qui va par contre arriver à chaque fois, c'est qu'on va toujours, chers auditeurs, parler de punk ici, c'est la règle. Ouais, bah, gros amateur ici. Si on ne parle pas de Sex Pistols ici, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on a parlé de Sex Pistols aujourd'hui? Non, pas du tout. Si, il y a eu référence. Il n'y a pas eu de référence? Ouais, si, il l'a dit. Voilà. Oshkaladi. Sex Pistols, dans ses débuts, ils ont fait un cover de Johnny B. Goode, justement, qu'on peut écouter sur... Des gros documentaires. Ça, c'est une chose qui ne changera jamais. Je vous en donne la parole. On arrive sur la toute dernière partie de notre émission. Tu veux écouter, je crois, une dernière chanson, Oshka? Oui, justement, on en parlait comme tout à l'heure. Il a bien dit, Mitch, comme la musique, elle évolue. Voilà, ça ne restait pas statique. Ouais. Voilà, ça évolue, quoi. Du coup, après ces passages de ces quatre grands messieurs du rock and roll, il y a des groupes qui se sont réappropriés ça après la fin des années 70, etc., qui sont sortis les garages, donc renouveau du machin, qui après ça donnerait les punks. Ouais. Et du coup, on ne parlait pas des Sonics, par exemple, c'est un groupe qui a commencé à avoir un son assez sale, et vraiment à se rapprocher de l'ancien rock and roll minimaliste, bien saturé aussi. En accord à Sultan, qui ont commencé à faire des reprises aussi, autant de Chuck Berry comme le Little Richard. Voilà, ils se souvenaient déjà de où ils venaient pour montrer un nouveau chemin. Et donc, on va écouter The Sonics, Roll Over Beethoven, avec un super accent. Ça, c'est une reprise de qui? Chuck Berry. De Chuck Berry. Allez, c'est parti, on écoute ça. Temperature's rising, the jukebox is blowing a fuse. Oh, my heart's beating rhythm and my soul keeps a-singing the blues. Go over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I got the rockin' arthritis sitting down on a rhythm review. Over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Wow! Well, if you feel that you like it, you're just a lover, then you're real and a rocket. Roll it over, then you move on up quicker. Travel further, then you're real and a rocket. One another, roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Beethoven, All Over Beethoven, The Sonics, c'est bien ça, Oshka? C'est ça, un joli cover de Chuck Berry. Et voilà, c'est juste un exemple de ce qu'on peut trouver dans des groupes, déjà à cette époque-là, ou même aujourd'hui, comme quoi, c'est qu'on parlait, les quatre grands parents du rock and roll, ils sont toujours présents. 1965, cette version des Sonics. J'ai l'impression que tout était saturé. Que vraiment la chanson entière était saturée, mais la guitare, enfin la guitare évidemment, mais les voix sont saturées. Et du coup, j'ai l'impression que la batterie et tout sont saturées. Il y a tout qui est saturé. T'as bien raison, parce que Sonics, c'est un des groupes qu'on peut classifier sur rock garage ou proto-punk. Du coup, ils ont repris ça, ils ont fait vraiment. Une musique enragée, même si c'est des covers ou des trucs à lui, et ils ont commencé à tout saturer, à vraiment crier. Ouais. D'ailleurs, chanteur de Sonic, il était réputé pour avoir une voix vraiment, comment dire, cahier, vraiment... Et tout ça en 65 déjà. Déjà, exact. Seb, t'avais une anecdote sur Jerry Lee Lewis, ouais, il me semble. Ouais, ouais, quand Oshka m'a dit qu'il allait parler de Jerry Lee Lewis, ça m'a rappelé un souvenir. Dans les fins des années 90, début 2000, il y avait un festival de country music à Mirande, dans le Gers. Et une année, enfin, j'y allais chaque été avec mes parents, et une année, il y avait Jerry Lee Lewis. Et moi, j'étais comme une balle, parce que je connaissais Jerry Lee Lewis, mon père, il m'avait fait écouter tout ça, j'avais vu des vidéos, ces fameuses vidéos où il fout le feu au piano, où il joue au piano avec un casque enflammé et tout ça. Donc je dis, génial quoi. Bon, bah, sauf qu'à l'époque, le pépère, il avait une soixantaine d'années. Ah bah oui. Donc voilà. Et alors, est-ce que c'est moi qui me suis enflammé et du coup de voir le pépère diminuer, ça m'a déçu? Ou oui et non, parce que j'ai entendu des trucs après qui m'ont un peu conforté dans mon idée. Bon, le concert était chouette. Franchement, c'était chouette. Mais lui, il était, c'était pas le Jerry Lewis de ses débuts quand il avait une vingtaine d'années ou trentaine d'années. Ah quoi, bah, voilà. C'est 50 ans après. Heureusement qu'il avait un clavier en second là qui assurait du feu de dieu, parce que lui, tu voyais qu'à plein de moments, il lâchait l'affaire quoi. Bon, on n'a pas eu trop droit aux flammes. On a eu droit quand même au casque enflammé. C'était sympa. Mais ouais, c'était un pur moment. Et c'est là où c'est l'anecdote que je voulais dire, raconter. C'est tu voyais le phénomène américain quand même, l'espèce de melon américain qu'ils ont. Il est arrivé, donc Mirande, c'est une petite ville quoi de 2000 habitants, tu vois, c'est tout petit. Donc ils ont organisé un festival de country, c'est déjà pas mal quoi. Le mec, il est arrivé avec des exigences folles. Genre, il voulait un hôtel climatisé, ceci, cela, plein de trucs. D'ailleurs, il n'en a pas utilisé la moitié, hein, le truc. Oh bah, et il arrive, et donc du coup, tu te dis, quand tu as des prétentions comme ça, c'est que derrière, tu vas assurer grave, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu vois qu'après, ce qu'il assure sur scène, tu te fais, putain, il est chié, quoi. franchement, tu aurais pu être un peu plus humble, quoi. Bon, heureusement qu'il avait des icos d'enfer. Et on a quand même passé un bon moment. Mais on a été plusieurs, parce qu'il y avait mes parents, il y avait des amis, puis on a discuté quand même, parce que là, on y était pour la journée, la soirée. Beaucoup ont été quand même déçus, parce que c'était plus... Genre, à un bout d'un moment, t'as envie de dire, il faut savoir arrêter, quoi. Parce que, au lieu de partir au bon moment, quoi. Ouais. Parce que sinon, après, tu fais juste que gâcher ton image, et voilà, quoi. Donc voilà, je voulais alors juste... Elvis, il a réussi à faire les deux. Partir au bon moment et gâcher son image en même temps. Quand même assez fort. Ouais, il y en a. Il y a plus de qui rigolent à cette blague, je te remercie. Non, voilà. Parce que je suis fatigué. Donc, j'ai quand même eu l'honneur, l'immense privilège de le voir de son vivant en concert. Quoi. Bon, c'était pas à la bonne époque, à sa meilleure époque, mais au moins je l'ai vu en concert, pas très loin d'ici. Ouais. Donc, c'était super cool, quand même, franchement. Alors que moi j'ai vu La Poya à 60 ans et ça vaut encore le coup. Je vous le dis, si vous avez l'occasion de les voir, allez les voir, ça vaut le coup encore. Pour finir, Oshka, tu voulais parler peut-être de deux trois groupes qui sont la continuité du. Oui, mais on finirait jamais, on n'aurait pas le temps de les voir. Juste, combien de groupes ils sont faits, du cover, juste pour en parler vite fait, oui, deux trois. Non, juste comme ça, c'est rentré dans la culture populaire. Donc là maintenant, on a parlé tout à l'heure des films de. Retrouver le futur, ouais. On peut trouver Chuck Berry avec des petits clins d'œil dans cette séquence-là, comme quoi c'est le cousin à Chuck Berry, oui. Qui est dans les groupes, qui appelle Marty. Son exact. Et sur Tarantino, on va écouter aussi la chanson de Chuck Berry, Junivel Cantel. Voilà, ils sont là, ils sont restés dans l'histoire de la musique, et pas que du rock'n'roll. Après, il y a plein d'anecdotes. Justement, on a rebondi sur Jerry Lewis. Comme il a dit Seb, c'est dommage de voir comment ils ne savent pas peut-être s'arrêter, ouais. Mais ça reste une icône, donc encore heureux de l'avoir vu. En même temps, ouais. Est-ce qu'on saura s'arrêter, nous? cela dit. Non, jamais. En fait, jamais. Si tu ne sais rien faire d'autre, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour les coups, lui, il était riche, donc il aurait pu faire comme Elvis, tu vois. Rien faire. Devenir gros. Exact, devenir gros et mourir dans les toilettes en train de... Et devenir tout bouffi. Ouais. C'est parce que c'est des mecs, à la base, ils n'étaient pas faits pour ça. Exact. Mais pour des gens comme nous, en fait, si tu fais ça et tu peux faire ça, donc la musique, c'est que t'aimes toute ta vie, qu'est-ce que tu vas faire d'autre ? Qu'est-ce que tu vas te faire chier à la maison ? Du coup, tous, ils sont finis comme ils sont finis, quoi. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils jouaient des trucs... Il y avait rien de neuf, quoi. C'était il surfait sur sa vieille vague des années 50. Comme Fermin Muguruza, et personne ne dit rien. Fermin, il aurait dû arrêter il y a un petit moment. Il y a 30 ans. Et c'est un très bon producteur. Continuer à produire, mais... C'est un piètre musicien. Ceci dit, on m'a dit que le Black Is Belza 2... J'ai pas vu le 1 déjà. Mais je crois qu'il était très bien. Bon, c'est le film de Muguruza. Mmh. On va en parler une autre fois. C'est un peu hors sujet. Quoi. Non, pas la ref. On va s'arrêter là pour cette fois. Très bien. Je pense qu'on a fait un bon tour pour vraiment bien présenter toute la clique et tout ça. On pourrait continuer à parler sur sa vie. Mais pour ça, il y a la Wikipédia. On peut toujours séparer l'artiste de l'art. Mais voilà, il a eu une vie tumultueuse. Justement, quand il est en train d'exploser aux États-Unis, ils ont découvert qu'il s'était marié avec sa petite cousine de 13 ans. Voilà, des choses glauques, voilà, mais... C'est glauque. Hein. Exact. Après, il a eu un 9 ou... Ouais, comme ça, il s'est marié 9 ou 10 fois. Ah, il y a tout un truc... C'est Elvis, tu parlais d'Elvis pour ça. Non, j'ai parlé de Jerry Lee Lewis. Parce qu'Elvis s'est marié avec sa cousine aussi, je crois, un truc comme c'est ça. C'est possible. C'est une habitude à l'époque, on ne sait pas. Il me semble que Elvis s'est marié avec sa cousine, un truc comme ça. En tout cas, lui, c'était bien marqué parce qu'à l'époque, voilà, que c'était vachement, catholique ou religieux en tout cas, voilà, ça fait les scandales. Parce que déjà, il était marié avec une autre femme. Oui, c'est ça. Et voilà, en plus sa cousine, très saine. Mais moi, j'avais des limites. Mais moi, j'avais lu un article, ce qui est marrant, c'est que ça avait fait énormément de polémique, mais pas parce que sa cousine avait 13 ans, c'est parce qu'il sa femme, que ça faisait plus polémique parce qu'il quittait sa femme que il se mariait avec sa cousine de 13 ans. Oui, à l'époque, tu divorçais pas comme ça et tu quittais pas ta femme comme c'est ça. C'est pour ça, il y a un article qui dit donc, nous, on serait choqués de qu'il se marie, mais non, eux, ils étaient choqués à l'époque de qu'il allait quitter sa femme. Quoi. Bon, eh bien, sur cette noce hyper joyeuse, on va arrêter. C'est con, c'était bien jusque-là et puis là, voilà. Voilà, c'est pour l'histoire des quatre papas du rock et dont Jerry Lewis qui est mort. Pour vous, il y a 3-4 semaines, chers auditeurs. Et pour nous, il y a une semaine, deux semaines. Oui, il y a une semaine. Ouais, et pour moi, il est sur son île. Ouais. Avec Michael Jackson. Exact. Ouais. En tout cas, il restera toujours dans le reproducteur de musique. Quoi. Justement, il y a un petit truc que je trouve vraiment sympa. C'est peut-être con, mais peut-être pas les restes, mais il y a Chuck Berry. Avec un des morceaux, Johnny B. Goode, si je ne me trompe pas, qui était envoyé dans Les Voyageurs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est possible, ça. Exact. Donc, normalement, il y a une chanson de rock'n'roll sauvage qui traverse l'espace dans ce moment-là. Ouais, pour resituer... C'est notre message pour les extraterrestres. Voyager qui a été envoyé dans l'espace et qui ne doit pas simplement tourner autour d'une planète, etc., qui est vraiment envoyé. Exact. Et il a été envoyé avec un disque, un vinyle en or. Exact. Sur lequel sont enregistrées énormément de chansons. Oui, des échos de la Terre, qu'on dit. Des voix, des sons, des témoignages, etc. Et donc, effectivement, je crois que c'est peut-être Johnny B. Goode qui Il me semble que c'est ça. Et je suis vraiment content que si jamais quelqu'un trouve ça, voilà, il s'écoute Johnny B. Goode. On va s'arrêter là, nous. On va vous dire à dans deux semaines avec la même équipe. N'oubliez pas que si vous voulez nous écrire, vous donner des suggestions, ou si vous voulez peut-être participer à cette émission, vous pouvez nous écrire à Radio Nova Culture. Ou voter qui vous aimez plus de tous les quatre. Ça, c'est bien ça. Votez, n'hésitez pas à voter en nous envoyant un email à Radio Nova Culture, tout attaché et au pluriel, @gmail.com. Et vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes de cette saison sur radionoculture.wordpress.com. Et nous on vous dit à dans deux semaines et puis moi je vous dis à tout de suite parce qu'on va enregistrer l'émission suivante tout de suite, mais pour vous chers auditeurs ça sera dans deux semaines. Salut à tout le monde, salut les garçons, ciao.